comme on peut attendre un moment. Pensez à maman, pensez au moment passé avec nos gars du ciment. Tu veux savoir comment ils vivent, man? Ils appliquent la dure loi, dent pour dent. Moi c'était vivement que je sors de ce trou, mais vivant de cette violence internationale comme la langue vivante. J'ai le cœur vibrant, je vois des corps gisants, des mecs visants, d'autres mecs histoire de bizarre. Hé hey, frérot, hey, salut poto. Illico, presto, donne-moi des news, des infos, avant que je devienne info. Les nouvelles des frères, pas des faux. Ils vont tous bien, ils t'attendent tous au quartier. Ils sont mûrs, en train de patienter pour voir ta silhouette arriver. Merci, donne-moi des news de ma mère. Dis-moi que vous faites pas trop de bruit quand vous squattez mon bloc à fumer de l'air. T'inquiète, tu le sais, on te respecte. En fait, faut que je te fasse montrer mon calibre du Cohen. Non, pas plus de ça, faut que je construise ma vie. Que je sois l'architecte, car un mauvais coup de crayon suffit à rendre bancale ma vie. Donc pas homologué, fini ces courses poursuites avec des casques pas homologués. Je suis sur un coup, c'est de vivre et je veux pas de gay. Juste le temps de m'intégrer bien dans la société. La tolle, la rançon qu'a payé mon erreur. Le passé m'handicape, faut que je rattrape la vie toutes ces heures. Après avoir purgé ta peine de 10 ans, le jeune homme. Merde! Chérie, c'est bon, me regarde pas comme ça. Je sais que t'aimes pas quand je suis bourré, pleuré. La bouche ou des yeux, c'est la même des télés pourries. On en trouvera au plus. Putain, pourquoi je te parle comme ça, ma puce? Je sais que ça te fait mal en plus. On passe notre temps à se parler en muet. On s'écoute comme des sourds au lieu de se remuer. Pour que notre avenir soit sûr, doué à rien, je suis. J'ai promis à ta mère de montrer les mers. Mais devant cette pierre, je suis aussi con qu'un suicide avec un flingue sans barrier. Mais viens, repart à zéro, qu'on soit comme avant d'être marié. Qu'on reprenne le ciné ou devant le juste prix en train de parier. Varier les conneries de mèche pour qu'on puisse mieux le charrier. Vas-y, parle un peu, ce silence me fout le cancer. Vas-y, parle un peu, qu'on reprenne nos habitudes, qu'on se serre dans nos bras. Tout ça manque trop, être dans nos draps. Ça manque trop, puis je t'aime trop, dis-moi quand faudra. Que tu me pardonnes d'avoir laissé seul ces jours-là. Merde, notre mariage comme ce vase parti en éclat. Vas-y, coucher la petite. Partir en randonnée, je te promets quand je reviendrai tu m'auras pardonné. Tu verras. Cette erreur n'a pas de rançon pour me sortir de ma tonne. Perdu dans la course de ta vie, le passé me loue au sol. Maman, tu sais que j'ai trouvé du travail. Ah oui? Ouais, dans la maçonnerie. C'est bien mon fils. Qui c'est? C'est EDF. Vous savez, vous avez une belle maison. Bon, maman, rentre à la cuisine parce que je crois que les livres. Vous pouvez quand même répondre à ma question. Oui, c'est mon père qui l'a meublé avant de nous quitter, malgré son manque de blé. En gros, le papa était plein de magouilles. Télé, cap, DVD, tout ça acheté. Hey. Tu me prends pour un fou, ma couille. Hey, comment tu parles de mon père? Parle bien des morts, fais ce que t'as à faire ou sans. Tu me fous les nerfs, d'accord? D'accord? T'oses parler des morts? T'oublies peut-être tes torts. T'es peut-être dehors, peut-être que tu dors bien. Peut-être ça remonte, c'est bien. Le fait que je t'ai retrouvé, souviens. Toi, cette fille sur cette photo, dis-moi, elle te rappelle rien. Mais de quoi? De qui tu me parles? Ma femme, connard. Non, mais j'ai purgé ma peine au mitard. Bien sûr que j'ai des remords. Ça fait 10 ans que je m'offre. Quand j'y repense encore, y'a que des larmes que je coffre. Hé, hey, sois pas ton flingue. Marc, appelle la police, deviens pas dingue. Ma mère a que fille, saute dans cette jungle. Moi aussi, je n'avais qu'une femme. La merde, mon petit canard, la flamme. La bougie de ma vie dans ce noir. Mais fais pas chier, man. J'ai dit à ma mère que j'allais travailler. Et toi, 10 ans après, tu viens de pointer là pour me canarder. De toute façon, t'as pas chiche. Tu crois que j'ai pas chiche? T'as pas chiche? Tu crois que j'ai pas chiche? T'as pas peur? Ça y est, chérie, je l'ai fait. J'arrive maintenant. J'arrive. La tolle, la rançon qu'a payé mon erreur. Cette erreur n'a pas de rançon pour me sortir de ma dent. Le passé m'handicap, il faut que je rattrape la vie toutes ces heures. Perdu dans la course de ta vie, le passé me fout au sol. La tolle, la rançon qu'a payé mon erreur. Cette erreur n'a pas de rançon pour me sortir de ma dent. Le passé m'handicap, il faut que je rattrape la vie toutes ces heures. Perdu dans la course de ta vie.